Amen. Hallelujah. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Wow. Il y a des dons dans la maison, n'est-ce pas? Amen. Donc, si vous voulez, vous aviez apprécié le rap. C'est sur YouTube, n'est-ce pas? Is it on YouTube? So, how do we go and search for it? 316. Come to church. Oh, come to church. Ok, donc si vous allez sur YouTube, vous allez voir les vedettes du rap de la belle église. Amen. C'est fantastique. J'espère qu'ils vont aussi danser un de ces jours. Amen. Donc, si vous êtes là, vous n'appartenez à aucun département. Vous ne faites rien à part venir à l'église, s'asseoir le dimanche et puis repartir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce qu'il y a assez de groupes où vous pouvez trouver votre place. N'est-ce pas? Donc faites un effort de participer. Amen. Dis à ton voisin, nous avons besoin de toi en particulier. Amen. Hallelujah. Aujourd'hui, je suis très contente. Je suis très relaxe, comme vous voyez. Amen. Hallelujah. Amen. Je souhaite aussi le bienvenue à notre frère Arnaud. Amen. C'est un homme marié. Maintenant, père de famille. Père... Par la grâce de Dieu. Et je pense qu'avant le deuxième culte, tu vas venir nous saluer. Amen. All right. C'est un homme d'affaires. C'est vrai, n'est-ce pas? Yeah. C'est un PDG. Hallelujah. And we thank God. Amen. Donc, la personne qui va partager avec nous n'est pas un inconnu. Hallelujah. C'est un de nos pasteurs. Il était avec nous pendant des années. Et il est reparti au pays pour faire le travail de Dieu. Alléluia. Et l'église à Lubumbashi est vivante. Alléluia. Et fonctionne très bien par la grâce de Dieu. Amen. Notre pasteur, notre grand frère, notre oncle, il va nous bénir avec une parole très puissante. Amen. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne le connaît pas, mais ce n'est pas un homme timide. Amen. S'il vient et il vous donne l'impression qu'il est timide, c'est pas vrai. C'est un homme de feu, un homme d'onction, un homme de puissance. Alléluia. J'aimerais que vous vous leviez et qu'on accueille le pasteur Révérend Alléluia, prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons gloire, ô Dieu. Tu es fidèle, ô Père. Merci pour la miséricorde. Merci pour tes miséricordes, ô Dieu, qui se renouvellent chaque matin. Nous prions que tu nous conduises, ô Père, par ton esprit, dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Nous prions avec action de grâce. Et nous disons Amen. Alléluia, veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est une grande joie que d'être en cet endroit, en présence de Ella Simone Ademola. Alléluia. Alléluia. C'est une très bonne gestionnaire des émotions. Parce que les émotions francophones sont difficiles à gérer. Alléluia. Alors applaudissez pour notre Lady Révérend Simone Ademola. Ça, c'est une onction de gestion des émotions. Alléluia. Et à ses côtés, nous avons sa co-gestionnaire, Lady Pastor Akos Adibo. Applaudissez pour elle. Très forte. Alléluia. Elle est très forte. Alléluia. Elle a l'énergie. Elle est pleine de tonus. Ah, quand tu as la chorale, tu sens que non, Lady Pastor Kos is there. Si tu as un retard, tu sens que non, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Et nous applaudissons encore pour elle à cause de l'œuvre et des résultats qu'on voit dans la chorale. Alléluia. Qui est une pépinière. La chorale d'ici, non seulement la chorale, mais l'église d'ici est une pépinière pour toute la francophonie en Afrique. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours en train de transplanter au Congo. Quand nous allons à Brazza, nous trouvons les fruits, nous trouvons les arbres qui viennent de cette pépinière. Alléluia. Et applaudissez pour vous-même. Alléluia. Finalement. Voilà, nous rendons gloire au Seigneur pour cette opportunité, comme je l'ai dit. Je vous amène aussi les salutations de notre église de Lubumbashi. Alléluia. Et j'étais vraiment surpris quand elle a dit c'est une église vivante. Elle est réellement vivante. Alléluia. Et je suis avec moi, avec un frère, Yves Billet. Si tu peux te lever, saluer l'église. C'est un frère qui vient de notre église. Mais il est à l'école biblique pour être formé pour devenir pasteur. Alléluia. Wow. It is working. At least. Voilà. Passons rapidement à la parole de Dieu. Comme nous le savons, c'est le temps de souffrir. Et de faire quoi? Et de perdre. De sacrifier et de mourir. Lisons la parole de Dieu rapidement. Lisons trois passages rapidement. 1 Corinthiens chapitre 1. Et nous lisons le verset, à partir du verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 15. Allons peut-être au verset 17, c'est beaucoup plus mieux. 17 et 18, nous lisons. La Bible dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et c'est là, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance des dieux. Applaudissez pour la parole de Dieu. En d'autres termes, la prédication de la croix, qui est le résumé de la souffrance, la perte, le sacrifice et la mort, est une folie pour ceux-là qui périssent, mais pas pour vous et moi. Applaudissons pour le Seigneur, parce que nous sommes sauvés. 1 Corinthiens chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 5. La Bible dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse des dieux mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. C'est-à-dire que dans le message de la souffrance, la perte, le sacrifice et la mort, il y a la sagesse des dieux. Et la sagesse, par simple définition, c'est la manière de faire les choses. Alléluia. Et cette sagesse, cette façon de faire les choses des dieux, elle est mystérieuse. C'est quelque chose qui est caché. Ce n'est pas facilement vous ne pouvez pas percevoir cela facilement. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais continuer avec ce que notre pasteur nous enseignait. Donc nous allons faire le chapitre 8 si vous avez votre livre. Les ennemis du sacrifice. Alléluia. Le diable sait que le sacrifice libère la puissance. Quand vous devenez un homme de sacrifice, une femme de sacrifice, vous devenez une femme de puissance. Et parce que vous êtes venu à l'église, et venir à l'église est une forme de sacrifice. Mais c'est une forme de sacrifice primaire. Maintenant, il faudra que vous alliez à l'école secondaire. Alléluia. parce que ça c'est le stade primaire. Mais je vois la plupart d'entre nous quitter l'école primaire et aller première, deuxième, troisième, secondaire. Alléluia. Et je vois aussi, il y a des frères et sœurs qui sont encore à l'école maternelle. Waouh. Mais qui ont 14 ans à l'école maternelle. 14 ans dans l'esprit, mais à l'école maternelle. Que Dieu vous aide au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lisons la parole de Dieu rapidement. Daniel chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 25 rapidement. Daniel chapitre 8. Du verset 24 jusqu'au verset 25, rapidement nous lisons, la Bible dit, sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force, il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, donc la réussite n'est pas une garantie que Dieu est avec vous. Parce qu'il y a différentes sortes de réussites. Alléluia. Vous pouvez réussir à baratiner une fille, mais est-ce que, Waouh. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissances et le peuple des saints. Verset 25. À cause de sa prospérité et du succès et de ses ruses, il aura de l'arrogance dans les cœurs. Ma sœur, peut-être qu'il t'a gagné par ruse, mais tu pensais que c'était par amour. Waouh. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Mon frère, ma sœur, mon ami, si tu vis paisiblement pendant cette saison de perte, de souffrir, tu es en danger. Tu es en danger de mort. Si tu vis paisiblement. À peine que je suis arrivé à Accra, je suis allé quelque part pour prendre quelque chose. Il dit, bonjour, révérend. Je dis, hé, j'allais. Alors, le soir, je suis allé ailleurs. Hé, bonjour. Je dis, hé, encore. Je vais encore à un autre endroit. Bonjour, révérend. Je dis, aïe, aïe, aïe, les francophones. Nous essayons de vivre paisiblement. Alléluia. Ouais, donc, cette saison, ce n'est pas la saison de vivre paisiblement, parce que Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais il est le prince de la paix. C'est un mystère. Le prince de la paix est venu avec l'épée. C'est-à-dire que sa paix s'obtient par la bataille, par la souffrance, par la perte, par le sacrifice, par la mort, tu vas obtenir la paix. Par la mort, tu vas obtenir la paix. Alléluia. Le premier ennemi du sacrifice, c'est l'Antichrist. Maintenant, quel est le rôle de l'Antichrist? L'Antichrist vient pour vous empêcher d'obéir Dieu. L'Antichrist, il vient pour vous empêcher à désobéir, plutôt vous empêcher d'obéir Dieu. De quelle façon? D'une manière pratique. Ne viens pas à l'église, come to church. Je pense que je vais investir dans come to church. Ouais, ouais. Come to church. Je peux aussi rapper. Jésus est en ce lieu. Yeah. Jésus est en ce lieu. Yeah. Jésus est en ce lieu. Yeah. Oh, Charlie. You can't retire us, Charlie. Don't. If you try, if you doubt, see me after church and let's try. And you'll see that we are also somewhere. Hallelujah. Donc nous sommes jeunes. Notre église, c'est une église de jeunes très vivantes. Deuxièmement, l'Antichrist vous empêche de consacrer votre vie au Seigneur. Vous empêche d'obéir Dieu. L'Antichrist vous dit que non, c'est normal d'avoir un copain. C'est normal, c'est francophone. C'est francophone d'être... Ah, c'est francophone, c'est francophone. Ah. Vous comprenez? Je me sens seul. Ah. Vous voyez? J'ai besoin d'un peu d'amour. Vous comprenez un peu? Donc, l'Antichrist vient pour nous empêcher d'obéir Dieu d'une manière pratique en nous incitant à faire ce que la parole de Dieu ne nous permet pas de faire. Et pour ce qui concerne notre catégorie, c'est beaucoup plus C'est la période des passions, c'est-à-dire soit l'alcool, soit le sexe classique, raffiné, raisonnable, justifiable. Vous comprenez? Alors, il vient avec des méthodes officielles pour nous empêcher à obéir Dieu. L'Antichrist vous dit que embrasser une fille, c'est pas un péché. Waouh! C'est pas un péché. L'Antichrist vous dit qu'il n'y a pas de passage dans la Bible qui dit que embrasser une fille, c'est pas un péché. Dites à votre voisin, celle et celui qui pense comme ça n'est pas venu à l'église aujourd'hui. Ah, donc applaudissez pour l'assemblée. Donc elle n'est pas ici. Il n'est pas ici. Alléluia. L'Antichrist. Ouais. Parce que l'Antichrist sait les résultats. Qu'après ça, vous ne saurez pas prier. Qu'après ça, vous allez vous gêner de faire certaines choses pour le Seigneur. Voilà pourquoi l'Antichrist vient vous inciter à ne pas obéir Dieu. Maintenant, je vais vous poser la question. Bon, la personne n'est pas ici. Mais, envoyez le message. Hein, elle va répondre. Et voilà. Quand vous, les jours que vous avez embrassé, Jack Toronto, vous avez senti comme si vous devez prier en langue, n'est-ce pas? Ah, c'est une question. Posez-lui la question. Qu'il vous réponde. Qu'elle vous réponde. Vous avez senti que vous devez prier à ce moment-là. Vous avez senti la prière. Vous avez senti, asma konde sande bandeba choko, pika bandeba, londe sande bande. Vous avez senti que non, come to church. Vous avez commencé, come to church. Yeah. Ah, mais il y avait d'autres cacophonies. Ok. Voilà. Troisièmement, l'Antichrist vous empêche de sacrifier. Et beaucoup plus sacrifié. Beaucoup plus sacrifié. Parce que le sacrifice est l'expression de l'obéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire que l'obéissance, c'est par obéissance que nous devons sacrifier. Alors maintenant, l'Antichrist sait que si nous obéissons, nous allons sacrifier. Alors, il va nous empêcher. Mais, il va nous empêcher par des ruses. Il va envoyer un copain. Jack Toronto ou bien Johnny Waskarachi. En train de marcher. Johnny Waskarachi avec ce qu'on appelle H, c'est-à-dire démarche. Hein, démarche. Johnny Waskarachi fait comme ça. Dit, oh, ok, je suis un Pierre Cardin. Oh, mon frère. Charlie. Et quand tu regardes Johnny Waskarachi, tu te dis, oh, voilà l'homme idéal de ma vie. Parce que quand tu regardes la structure, hein, tu regardes les épaules, la veste respecte les épaules. Tu te dis, hey, voilà le gars que j'ai cherché. Quand tu regardes la concordance des couleurs, tu te dis, ah, waouh. Tu regardes ses paupières, hey, et ses cheveux, tu dis, ah, voilà le gars. Et il a un polo, un body, et tu regardes que sa main est velue. Tu dis, ah, j'aime quelqu'un qui est un peu, qui a quelque, oh, il est comme le frère d'Abel, c'est qui? Caïn. Et plutôt, non, le frère de Jacob. Il est comme Esaü. Dit, ah, voilà l'homme de ma vie. Je regarde sa poitrine. Mais tu ne sais pas que c'est une ruse pour que tu quittes l'église. Ouais. Il y a des sœurs qui ne sont pas à l'église à cause de Johnny Waskarachi. Johnny Waskarachi. Mais Johnny Waskarachi, quand il vient, il se présente comme Paul. Mais c'est Johnny Waskarachi. Ouais. Quand il vient, il ne se présente pas comme Johnny Waskarachi. Ouais. Il est raffiné. Il parle très bien. Il dit, ah, il s'exprime bien. Il a la carte qu'il a présentée le jour de Saint-Valentin, Tchalé. Ce n'était pas la carte qu'on achète. Il a fait imprimer la carte. Hey! Faut voir les paroles. Faut voir les paroles. Il dit que non, voilà. Quand j'étais encore jeune, comme je suis né dans une famille, dans un mariage brisé, je me suis dit, moi, je vais faire la différence dans ma famille. Alors, je me suis fait une femme imaginaire depuis l'âge de 8 ans. Et je l'ai nommée Arlène H. Et quand j'ai vérifié dans les dictionnaires, je me suis rendu compte que Arlène veut dire lapin. Et quand je regarde ton tempérament et ton caractère, tu es comme un petit lapin pour moi. Je vois que Dieu arrange les choses. Et quand tu lui dis, j'aime ton tempérament. Tu es simple, tu es faible comme un lapin. Ah. Tu me fais pleurer, tu me fais pleurer. Il dit, waouh, ça c'est Johnny Waskarachi. Que Dieu délivre nos sœurs de Johnny Waskarachi. Parce qu'il a un but. Alléluia. Faites attention avec de bonnes paroles. Ce qu'on dit en français, tout sucre, tout miel. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui semble être trop raffiné. Quelqu'un que vous ne savez pas identifier les défauts. Ce n'est pas nécessairement un copain, mais même un ami. Même un ami. Ouais. Un ami à un ami. Ou une amie à une amie. Oui. Quelqu'un s'est retrouvé quelque part avec une amie à l'âge de 15 ans. Allons visiter son frère. Ils sont allés visiter le frère. Quand ils ont visité le frère, elle a dit, voilà, je vais récupérer mon bouquin à la maison. Quand elle est partie, il y a eu une déchirure. C'est métaphorique. Il y a eu une déchirure à 15 ans. Ouais, elle a été violée. Oui, à cause de quoi? Ma chère. Oh, moi je n'aime pas les garçons. Oui, Tchalé, fais attention. Le renoncement du sacrifice est décrit comme le péché de désolation, démunis, stérile, oublié, sombre, rejeté, démuni. Quand vous regardez la plupart de chrétiens, leur vie est démunie de puissance de la gloire de Dieu. Il y a une forme de désolation et de tristesse. Et à cause de ça, vous devenez victime du diable, victime des circonstances. Mon frère, vivons la vie de sacrifice. Quand nous enlevons le sacrifice, il y aura la désolation. Et une manière facile à décrire la désolation, c'est qui a déjà vu une maison, dilapidée. Une maison dilapidée. Je suis rentré à Accra parce que moi je suis comme caméléon. Je m'adapte. Quand je rentre à Accra, c'est anglais. Pam! Je rentre au Congo. Pam! Français rentre. Ouais. Adaptation des réflexes. Donc. Alléluia. Vous comprenez? Donc, quand vous regardez une maison dilapidée, vous voyez que cette maison, il y avait une certaine gloire. Mais vous regardez qu'il y a là, il y a des histoires vertes à la maison. La moisissure. Vous voyez qu'il y a des fissures. Et quand vous entrez dans la maison, il y a des gens qui habitent dans la maison. Vous voyez que le plafond, c'est le plafond de l'époque coloniale, avec des chandeliers qui sont déjà rouillés, avec une couleur d'argent qui est en train de se... Ah, vous comprenez? Et vous regardez au salon, il y a des meubles de l'époque coloniale, Louis XIV déchiqueté, en bois dur, cuir. Quand vous asseyez, le cuir vous fait mal ici. Mais, dur, donc le cuir, le cuir est déchiqueté, puis ça fait comme ça. Et quand vous asseyez, vous devez essayer d'ajuster. Et vous voyez que le coton est dur. C'est pas facile à enlever le coton de l'époque coloniale. Et vous regardez dans la parcelle, il y a Impala, Bedford, qui sont sur les pierres. Vieilles! Impala, qui connaît Impala? Ah, vous connaissez pas. C'est le véhicule américain, la vieille! Vous voyez que cet homme était riche. Vous regardez les photos, vous le voyez en Europe, avec les pantalons de l'époque comme ça, avec une petite cravate. Il est en Belgique, avec 8 blancs, plusieurs photos. Belgique, Bruxelles, Paris, ainsi de suite. Et maintenant, vous le voyez en babouche, fini. C'est ce qu'on appelle la désolation. Et c'est ce que le diable prépare pour vous. si vous n'êtes pas prêt à sacrifier. C'est-à-dire que vous serez démunis, dépourvus de moyens. C'est-à-dire que certaines choses que vous avez aujourd'hui, vous allez les perdre. C'est ça. Quand tu fais, ma chère. Maintenant, ta maman fait, ma chère. Il faut la poser la question. Prends l'album de ta maman et regarde ce qu'on appelle Good Deal. Good Deal, c'était la chaussure là, grosse comme ça. On montre les mamans avec les jupettes. Et la maman a fait comme ça, avec afro. Qui a déjà vu des photos comme ça dans sa maison? Avec afro. Et puis papa est en polo comme ça, pas tight, avec les trucs comme ça. Avec une chaussure qui est quelque part là. Mais après quelques temps, tu commences à te moquer de ta mère. Maman, attends, ici, c'est... tu vas arriver là-bas, tu as démuni aussi. Alléluia. Donc, vivons la vie de sacrifice. Ne permettons pas à l'antichrist de nous empêcher de sacrifier, de faire partie d'un groupe musical. Le deuxième ennemi du sacrifice, c'est Judas. Celui-ci, il est terrible. Judas, c'est probable qu'il soit là aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Judas soit au milieu de nous. Judas. Lisons rapidement Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Voilà, Jean chapitre 12. On peut avoir ça sur le screen. Voilà. À partir du verset premier, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Verset 2. Là où on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Verset 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Quand vous avez vu Camp to Church, vous savez ce que ça demande de faire Camp to Church. Et la maison est remplie de l'odeur du parfum. Au point où, moi aussi, je dois acheter ça par la force. À $50. Applaudissez pour le Seigneur. Ouais. Pour encourager. Pour que je récolte aussi Camp to Church in Lubumbashi. Alléluia. So see me after church. If you don't see me after church, tomorrow I'll go with your money. Donc c'est juste, vois-moi après les cultes que je puisse exécuter. Verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, c'est lui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Verset 6. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Pourquoi est-ce que je dis que Judas pourrait probablement être là? Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Pourquoi nous prenons 2 offrandes? Parce que tu viens de l'église catholique. Moi aussi je viens de l'église catholique. Non, je parle de moi-même. Dites à votre voisin, il parle de lui-même. Pourquoi est-ce qu'on prend 2 offrandes? Frère Judas, sœur Judas, elle n'est pas ici. Il n'est pas ici. Mais on doit envoyer les messages. Au Congo, quand on parle aux gens, même s'ils ne sont pas là, tu parles. Tu sais que leur ami est là, il va envoyer les messages. Les démons sont là. Ne vous en faites pas. Les démons sont là, ils vont envoyer les messages. Donc, c'est pas vous. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui disent, pourquoi on prend 2 offrandes? Oui. Il y a des gens qui venaient me voir. Oh, 2 offrandes. J'ai dit, 2 offrandes. Pourquoi? À l'église, tu connais l'historique de l'église catholique. Il faut lire l'histoire. Tu connais la parcimonie? Tu connais la parcimonie? Ah. Voilà pourquoi tu parles. Tu connais pas la parcimonie. La parcimonie, c'était la vente des sacrements. Après les croisades dans l'église catholique. L'église catholique s'est appauvrie à cause des croisades pour conquérir la terre sainte. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Certaines autorités ecclésiastiques ont établi ce qu'on appelle la parcimonie. C'est-à-dire, avant que tu ne sois baptisé, tu dois payer. Parce qu'elle s'est appauvrie terriblement. Ouais. Faut connaître l'histoire. Tu parles, tu ne connais pas. Tu connais la force de l'église catholique. Je ne sais pas, au Congo, il n'y a plus de blancs, de prêtres blancs. Je ne sais pas au Gabon si c'est la même chose. Hein? Il y en a toujours, donc il y a la différence. Mais les Congolais ont commis la bêtise de chasser les blancs. Ils ont dit que non, vous êtes venus à l'époque coloniale, nous allons faire la gestion. Maintenant, il faut voir l'église catholique aujourd'hui. Pauvre! Ils achètent maintenant des véhicules d'occasion. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas quelque chose. D'où venait ce qu'ils recevaient? Quand ils ont chassé ceux-là qui amenaient, ah, ils ont compris que, hey, il y a un problème ici. Ouais. L'église catholique au Congo est en crise. Certains prêtres marchent. Mais à l'époque, il fallait voir les joues des prêtres. Hein? Tu as déjà été au couvent. Tu vois les joues. Tu sens les odeurs, les épices quand tu entres au couvent. Mais ces jours-ci, on sent les poissons. Hein? Ça sent très mal. Il faut connaître l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Tu sais ce qui s'est passé au premier siècle avec l'église catholique? Quand est-ce que l'église catholique a commencé? D'où vient sa richesse? Pourquoi est-ce que l'église catholique n'a pas nécessairement besoin d'argent en Afrique? Est-ce que tu es au courant que chaque prêtre, à peine que tu commences la formation, comme postulant, tu as un sponsor en Europe? Tu es au courant? Tu vois. Et tu dis que pourquoi on prend des offrandes? Hein? Quand on construit, regarde les offrandes de l'église catholique localement. Tu penses que ça peut construire ce temple, cette cathédrale, avec cette beauté? Quand tu regardes la congrégation, là où est la cathédrale, là où tu es allé. Et tu dis, pourquoi deux offrandes? Pourquoi deux offrandes? Et normalement, Judas, c'est quelqu'un de très raffiné. Judas n'était pas voleur au sens de Jack Toronto. Parce que Jack Toronto, tu peux seulement voir l'accoutrement, tu peux, ah non, ce gars. Mais Judas, c'est quelqu'un de très respectable, très poli, posé, et qui pose des questions avec délicatesse. Mais ce sont des questions dangereuses, des questions logiques, raisonnables, très logiques. Fais attention. Ça, je pense que Judas peut probablement être là. Parce que j'ai la foi qu'il n'est pas ici. Mais, il y a une probabilité. Il y a une probabilité. Fais attention des commentaires que tu fais. Pourquoi il y a deux femmes pasteurs? Fou! Tais-toi! Imbécile! Il n'est pas là. Ouais. Il n'est pas là. Toi, si on te met ici avec toutes ces filles ici, on te met toi comme pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Avec toutes ces filles dans la chorale. Pendant qu'elle fait... toi, tu vois autre chose. Que Dieu nous pardonne. Ouais. C'est stratégique. C'est confirme que nous avons 200 pasteurs. Et mon frère, conforme-toi. Conforme-toi. Dites amen pour lui. Dites amen, les frères, pour lui. Dites amen. Dites amen bien. Ouais. Conforme-toi, parce que tu risques de périr. Ouais. Parce que dans le bagage d'éducation que tu as reçu à la maison, il y a 5 lacunes. Tu sais ce que tes parents ne t'ont pas donné. Tu le sais. Et tu le reçois ici. Tu veux que j'énumère ce que tu n'as pas reçu? Ou bien ce que tu as reçu? Quand j'étais au Ghana, je suis venu au Ghana, j'étais choqué. Quand les gens disent, je suis venu, ah! C'est la sorcellerie ou quoi? Comment tu peux être vierge à tel âge? Ouais, avouez, vous restez calme. J'étais choqué. J'étais choqué. Ah, tu es vierge à tel âge. Comment ça? Comment ça? Je vois qu'il y a un bagage que nous n'avons pas. Il y a un bagage que nous n'avons pas. Que Dieu nous donne au travers de nos mamans. Applaudissez pour le Seigneur, pour nos mamans. Applaudissez. Tenez-vous tous debout et applaudissez très fort. Ah, ceux-là qui restent assis. Ah, faites attention. Marquez-le. Peut-être c'est lui, c'est elle. Waouh. Alléluia. Bon, pour celui qui est resté assis, il ne se sent pas bien. Ne vous en faites pas, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Applaudissez pour le Seigneur. Voilà. Judas, c'est quelqu'un de raffiné. C'est quelqu'un de très, très, très raffiné. Et qui vient vous empêcher à sacrifier. Pourquoi? Pourquoi une femme? C'est déshonorable. Pourquoi Jésus? Une fois, Bishop Saki a illustré ça. Il a pris une dame pasteur. Il s'est assis à la chaire. Et il a appelé la dame. Viens, amène ton parfum. Elle a amené son parfum. Et il a enlevé ses chaussures. Mais mon frère, c'était un peu scandalisant. Vous étiez là, hein? Vous comprenez? Moi, donc, vous sentez comme si, c'était pas confortable. Juste l'illustration, l'exemple n'était pas confortable. Maintenant, imaginez-vous la réalité d'une femme prostituée classique. Il y a parfum. Il y a le parfum quand vous mettez ça, quelqu'un vomit. Quand la femme est enceinte, elle vomit. Mais tu allais, ça c'était albâtre. Nard. C'est plus que Coco Chanel, tu allais. Ça c'est comme les parfums des Arabes. Parfum cher là qu'on ne voit plus. Ces jours-ci. Parce que tous ceux qu'on voit ici sont des pirates, des faux. Vous dépensez beaucoup d'argent pour acheter Coco Chanel, tout ça. Des fake. Mais c'était très cher. La Bible dit que c'était, ça représentait, Pardon? Un an de salaire pour un militaire. Prenons au Ghana. Je crois que c'est 1000, si on prend le minimum, ça devrait être 1000 Ghana CD. Fois 12. 12 000. Divisé par 27.7. 2.7 maintenant. C'est combien? En dollars. En francs CFA. Ouais. C'est une parcelle, non? C'est un véhicule. Et elle est venue. Et quand elle a fait ça, c'est Judas, le voleur, qui était scandalisé. C'est Judas que le diable envoie pour voler les membres. Il y a des gens que le diable, ce sont des agents secrets. De ce que j'appelle la DIA. Il y a la CIA et la DIA. Demonic Intelligence Agency. Donc c'est comme la CIA. Et le diable aussi a la CIA. Mais seulement le diable recrute sans recruter. Il ne te dit pas qu'il t'a déjà recruté. Et tu ne sais pas que tu es un recrut. Et tu travailles pour le diable sans le savoir. Et il y a des gens qui quittent l'église à cause de ce que tu as dit. Et tu deviens l'associé de Judas sans le savoir. Et au jour du jugement, il y aura des grincements et des dents. Mon frère, fais attention. Fais attention. Surtout les frères, fais attention. Oh, il y a des pasteurs femmes. Qu'est-ce que tu dis, toi? Si tu ne comprends pas, approche quelqu'un. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à comprendre. Le ministère des femmes, ça veut dire quoi? Aide-moi à comprendre. Approche même le pasteur. Aide-moi à comprendre. Après ce message, trois personnes, vous devez voir la dame pasteur. Parce qu'il y a la mort qui vous attend. Ouais. L'un de vous va attraper les sida. La fille avec qui tu sors et tu couches, elle a les sida. C'est une prophétie, je ne blague pas. Il y a un temps pour blaguer, un temps pour prêcher. Je prêche. Ouais, je dois venir voir le pasteur. Et des trappes, le guet-apens, c'est l'église. C'est là où le diable a placé. Tu fais moindre pépin, tu sors, tu es parti. Alors, humilie-toi par ce message. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne tente pas, mais je suis venu te parler. Humilie-toi. Tu es en train d'empêcher la croissance parce que tu étouffes le sacrifice et tu amènes la pollution dans l'église. Ouais, tu amènes le porc. Tu nous pousses à sacrifier les porcs. Tu vas amener une certaine tendance mondaine, mais que nous devons accepter parce que c'est logique dans l'église. On n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. Ne t'associe pas au diable, mon frère. Et ce message, c'est un message d'amour. Dieu te corrige quand il t'aime. C'est un signe d'amour que tu es fils. Applaudissez pour le Seigneur. Tenons-nous tous debout. Oui, ici Nathan. Oh. Alright, ok, ok. Alléluia. Donc, oh, applaudissons pour notre pasteur. Il est vraiment... Notre église, à la fin de cette année, va doubler. Notre église, ça va doubler. Pourquoi? Parce que tous les partenaires de Judas viennent de démissionner aujourd'hui par ce message. Waouh! Tous les partenaires de Judas sont devenus des associés de Jésus. Applaudissez pour le Seigneur. Pendant que vous applaudissez, on ne saura pas que c'est vous. Applaudissez. Hey, Charlie. On ne saura pas que c'est vous. Hein, Charlie, c'est ça l'avantage de la chrétienne. Quand tu vois qu'on prêche un message, mon stratégie dit prêche. Mais c'est pour moi. Il dit, ah, Charlie, oh, ça c'est pour moi. Mais comme j'ai reçu, on va dire, ah, c'est pour l'autre. Alléluia. Ne rejoignons pas Judas. Parce qu'il est là pour un but, pour décourager le sacrifice. Et quand le sacrifice n'est plus, comme j'ai dit, il y a la pollution. L'église pue. Il y a des gens qui ont quitté cette église à cause de quelqu'un. Juste, vous avez dit ceci. L'église appartient à ça. Non, vous avez dit quelque chose judaïste. Vous avez fait une déclaration, des propos versoirs. Des paroles qui sont contre les principes que nous enseignons, mais d'une manière présentable et noble, raisonnable. Oui, tu as raison. Parce que ce qu'il a dit, vous savez la raison qu'il a avancée, c'est que Jésus, nous prenons toujours soin des pauvres. Nous avons nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi pas ne pas vendre, parce que nous faisons toujours cela, nous avons fait ça. Pourquoi pas ne pas vendre à ce moment-ci ce parfum et donner ça aux pauvres? Mais ce n'était pas pour donner aux pauvres, mais c'était plutôt pour avoir ça. Alors il y a des gens qui vous parlent par envie. Quand ils voient comment l'église, quand ils voient comment Lady Raven enseigne avec puissance, délicatesse, charme, comment est-ce qu'on peut décrire ça? Avec pudeur. Des messages de chasteté qui nous ramènent sur la voie. Nous qui étions des Yankees et des cowboys. Vous comprenez? Ouais. Des messages avec des résultats palpables. Les gens qui faisaient... sont en train de dire Alléluia. Vous comprenez? Sont dans la maison du Seigneur. Alléluia. Elle dit, mais ils sont raffinés. Dans votre voisin, ils sont raffinés, ils sont raffinés. Waouh. Troisièmement, le diable. Le troisième ennemi, c'est le diable. Le diable lui-même. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, du verset 21 jusqu'au verset 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous comprenez? C'est-à-dire que le diable recrute dans la DIAE à l'église. Oui, oui. Il recrute à l'église, il recrute aussi en dehors de l'église. Et cette fois-ci, qui est-ce qu'il a recruté? Il a recruté quelqu'un de plus proche à Jésus. De plus proche. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a reprimandé. Qu'est-ce que ça veut dire reprimander? Corriger. Corriger. Or, corriger veut dire core, érection. Erect, to build. C'est-à-dire construire avec co, cum, c'est latin. Erectus, erectere. Ça veut dire construire avec. Mais le diable l'a appelé à côté. Quand ils étaient en répétition, pendant la réunion, il dit, viens un peu. j'ai remarqué ça. Il a commencé à répondre. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Dis à ce frère, arrière de moi, Satan. Ouais. S'il y a quelqu'un qui parle contre l'église, dis-lui, arrière de moi, Satan. S'il y a quelqu'un qui pense que non, bon, cette église, c'est l'église des Yankees. Qui t'a dit que cette église, c'est l'église des cowboys? Qui t'a dit ça? Tu as déjà commencé l'église? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais, tu connais le prix d'une âme? Tu connais les dirigeants? C'est vous les francophones qui parlez trop et boostez. Hein? Les francophones, c'est juste. Et parlez trop. Mais tu connais sa vie? Son parcours professionnel. Son parcours professionnel. Waouh. Son passé. Là où elle a été. Sa famille. Tu connais? Ah. Tu vois? Tu vois? Tu n'as pas posé la question. Tu connais Lady Pastakos? Tu connais son tracé, son parcours professionnel? Son mariage? Où elle vivait? Tu connais le prix? Le prix de cette église? Tu connais? On est venu au même moment. Au Ghana. Tu connais le prix? Tu connais le prix? Tu connais le prix? Tu penses que nous sommes des vagabonds? Le prix de prêcher. Le prix de prêcher. Tu connais le prix? Et le porteur du fardeau. Tu connais le prix? Qui est Bishop Dak, tu connais le prix? L'ignorance ne rejoint pas les ignorants. Sinon, tu es en train de travailler dans la DIA. Ne critique pas, pose les questions. C'est bien que tu sois préoccupé. Viens, sois comme Pierre. Parce que Pierre, bien qu'il a été recruté dans la DIA, au lieu de sortir comme Judas, mais il est venu la poser la question à Jésus. Et alors Jésus a fait la correction. Lui, il a reprimandé, Jésus a corrigé. Alors, je suis venu vous corriger, vous bâtir. Je ne suis pas venu détruire. Je suis venu chasser le diable et les démons, mais vous bâtir. Parce que Dieu a un plan pour votre vie. Et ne répondez pas à l'invitation du diable et la voix qui sonne dans vos oreilles disant, vous devez sortir. Comment est-ce qu'il est insolent? Je ne suis pas insolent. Peut-être tu ne connais pas le français. Je suis autoritaire. Alléluia. Dites à votre voisin, il n'est pas ici, il n'est pas ici, il n'est pas ici. Ne vous en faites pas. Alléluia. Bien-aimé, pour terminer, faisons attention avec les ruses, parce que toutes ces choses, l'antichrist, les trois ennemis, l'antichrist, Judas et le diable, n'opèrent pas d'une manière ouverte. Le jour que vous allez rencontrer le diable avec ses cornes, avec la queue, en train de marcher au centre-ville, en cravate et en peau de chameau, prenez la photo et amenez-moi la photo. Vous ne verrez jamais le diable au centre-ville, ou soit à Clermont. Vous ne le verrez jamais. Il opère par les ruses. Et quand vous lisez la version anglaise, la Bible dit, you come through intelligence. L'intelligence, pas l'intelligence au sens intelligence, mais au sens de l'intelligence, de la sécurité. Parce que l'intelligence, c'est une ruse du gouvernement pour avoir les informations. Quelqu'un qui dit qu'on met dans une église comme s'il est hacheur, mais il travaille pour le gouvernement. C'est ça l'intelligence du diable. C'est pourquoi j'ai dit DIA. Le diable a DIA. Là, il y a une agence d'intelligence qui fait les enquêtes pour lui. Deuxièmement, faites attention avec Judas. Faites attention, quelqu'un qui semble parler des choses qui semblent être conformes naturellement, logiquement. L'église n'est pas une logique. Où est Jésus? Où est-il? Où est Jésus? Quelle est la preuve? J'ai toujours posé cette question. Montrez-moi les ciels. Allons chez Iti, allons chez Emirates qui nous disent que c'est combien le billet au ciel. Posons la question. Aux astronautes. Où est le ciel? C'est un mystère, mais pourquoi nous croyons? Croyons dans le mystère de la femme dans l'église. Le mystère des pasteurs de femmes. Lèvons-nous tous dans la présence du Seigneur. J'ai terminé finalement. Alléluia. Alléluia. Baissons nos têtes et examine ta vie chrétienne, ta vie sacrificielle, et il y a certains gains destructifs que tu es en train de faire présentement dans ta vie. Tu connais ta vie et la parole de Dieu est venue ce matin comme une lampe à tes pieds, une lumière sur tes sentiers, un miroir pour que tu vois et tu regardes si ton accoutrement est conforme, si tu as bien boutonné ta chemise, ta blouse, si la tirette de ta jupe est bien fixée, si le foulard qui est sur ta tête est bien posé, si tu n'as pas mis tes chaussures de travers. Et parle à Dieu de te donner la grâce de perdre certaines relations, de sacrifier en perdant certains amis. Certains, nous devons même perdre, nous devons nous séparer de certaines personnes, même au sein de l'église, d'une manière pacifique, comme Lot, Abraham l'a fait avec Lot, d'une manière pacifique. Alors commence à parler à Dieu, Seigneur, aide-moi et donne-moi la grâce. Parce qu'il y a la puissance qui t'attend, la puissance de la prière, la puissance que tu aimerais expérimenter de la délivrance, la puissance qui va t'amener dans la prospérité, dans un mariage honorable, dans une carrière glorieuse. Mais le diable a mis des barricades pour t'empêcher à ne pas sacrifier, pour que tu n'atteignes pas le point de la puissance que Dieu a préparé. Lèvons nos voix tous ensemble, prions le Seigneur. Père, nous prions, ô Dieu, moi-même y compris, ô Dieu, car je ne suis pas exception de ce message. Ô Père, j'ai aussi des lacunes, ô Dieu de gloire, j'ai aussi des imperfections et certaines choses, ô Père de gloire, qui ne sont pas conformes à ce message que je donne. Père, je prie pour la grâce, ô Dieu, de me conformer à la sagesse du sacrifice. Seigneur, délivre-moi des ruses de l'Antichrist. Délivre-moi, Seigneur, des ruses de Judas. Délivre-moi des ruses du diable qui m'empêche à sacrifier, ô Dieu de gloire. Et non pas à sacrifier ce que je dois sacrifier, mais à sacrifier autre chose. Ô Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, aide ma sœur. Levez votre main droite, je vais prier pour vous. Seigneur, ô Dieu de gloire, tu as dit, humilie-toi et Dieu t'élèvera. Seigneur, ô Dieu, nous recevons cette parole. Aide mon frère, aide ma sœur. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à continuer sur le chemin de la croix, ô Dieu de gloire. Bien que c'est pénible, c'est douloureux, ô Dieu de gloire, mais ta grâce, qu'elle puisse surabonder. Et l'amour, ô Dieu de gloire, l'amour qui comprend tout, qui supporte tout, qui endure tout, l'agapé, Seigneur, que ça remplisse nos cœurs, que nous te fassions confiance, ô Père de gloire, malgré les peines et les douleurs que nous connaissons, les pertes, ô Dieu de gloire, le temps que nous perdons à l'église, les amis que nous avons perdus, les critiques, certains nous ont accusés auprès de nos parents que nous avons quitté l'église catholique, que nous avons rejoint l'église des impies, on nous accuse, il y a des fausses accusations, Seigneur. Mais aide-nous, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Pour terminer, pendant que nous restons encore nos têtes inclinées et nos yeux fermés, si vous êtes ici et vous savez dans votre cœur que vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, levez votre main droite sans hésitation, sans pour autant laisser la place au diable, aux voix qui sont en train de retentir dans votre oreille. Levez votre main droite, s'il vous plaît. Une occasion spéciale vous est offerte de donner votre vie au Seigneur Jésus. Si vous n'êtes pas né de nouveau, levez votre main droite. Si vous êtes dans ces lieux, vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous êtes incertain. Posez-vous la question de savoir si Jésus revenait aujourd'hui. Est-ce que vous irez au ciel? Posez-vous cette question. Si c'est non, levez votre main. Levez votre main droite. Levez votre main droite. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu quelqu'un lever sa main droite. Lève ta main avec force, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vois encore d'autres mains. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore quelqu'un qui hésite. Il y a encore quelqu'un qui t'attend. Ne t'attends pas, mon frère. L'amour de Dieu qui surpasse tout entendement. L'amour qui supporte tout, qui comprend tout, qui endure tout. Si vous avez levé votre main droite, je vous prie d'avancer, s'il vous plaît. Je vous prie d'avancer. Encouragez-le pendant qu'il vient. Encouragez-le avec des applaudissements. Encouragez-le. Encouragez-les, s'il vous plaît. Encouragez-les, s'il vous plaît. Encouragez-les s'il vous plaît, ils viennent. Encouragez-les avec des applaudissements. Les anges sont en train de se réjouir au ciel. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, s'il vous plaît, levez vos deux mains. L'assemblée aussi, levons tous nos deux mains. Si vous êtes resté dans l'assemblée à cause de la honte, mais faites cette confession avec foi, avec détermination, sachant que vous croyez dans le mystère de la croix, le salut que nous avons obtenu par le sacrifice de la croix. Et dites après moi, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois de tout mon cœur que tu es le Fils des dieux, que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité après 3 jours. Jésus, inscris mon nom dans le livre de vie. Jésus, aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère. En tout cas, ça c'est une grande décision que vous avez prise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après les... Veuillez suivre mon frère, notre berger qui est de l'autre côté, s'il vous plaît. Il va vous parler, puis revenir juste après. Veuillez vous asseoir dans l'assemblée du Seigneur pendant que nous invitons notre pasteur, Lady Reverend, et applaudissons pour le Seigneur pendant qu'il vient.